La Science CQFD, Natacha Triou. Pour cette émission Grand Portrait, nous avons la chance de rencontrer l'un des plus éminents archéologues et historiens français, Dominique Garcia, est notre invité. Majeur de l'archéologie préventive, après avoir passé 10 ans à la tête de l'INRAP, son mandat vient d'être renouvelé. Spécialiste de la proto-histoire, cette période qui se situe entre 3000 et 120 ans avant notre ère, Dominique Garcia dévoile le passé qui existe sous nos pieds et revisite l'histoire profonde de la France. Des enquêtes archéologiques qui bouleversent nos savoirs et qui révèlent qu'il n'y a pas une racine du peuple français, mais un peuple qui se met en route à travers des influences variées. Dominique Garcia, emporté par la fouille. Dominique Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue et historien. Depuis 2014, vous êtes président de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP, créé en 2002, et professeur à l'Université Aix-Marseille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, je suis très heureux d'être là. Merci, puis merci à vous qui nous écoutez. Merci d'être là au rendez-vous, à toute heure, en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur notre fil @sciencecqfd avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors comment avez-vous vu évoluer la discipline entre vos premières fouilles et maintenant? Quelles en sont ces évolutions futures et quelle archéologie pratiquer dans un monde soumis à l'urgence climatique qui menace aussi les vestiges du passé? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, quelle est votre perception, votre conception de l'archéologie préventive? Pour introduire cette question, voici notre archive du jour de 1949. Toutes les personnes qui s'intéressent à l'archéologie savent quelle somme considérable de savoir, d'intuition, de patience, de ténacité doit posséder l'homme qui s'aventure dans le champ de cette science. Il ne suffit pas de bien connaître l'histoire de l'art. Il faut être encore architecte, épigraphiste, philologue, arpenteur, géologue et chimiste. Le déblaiement d'un site, que ce soit celui d'une ville, d'un palais, d'une nécropole, exige une minutie qui paralyse la hâte de la découverte. Imaginez qu'un trésor vous attend peut-être au plus profond de ce monticule, mais vous ne l'atteindrez qu'après avoir exactement retiré toutes les couches de terre accumulées par les siècles. Pour arriver au chef-d'œuvre éblouissant ou à l'objet rarissime, il convient d'avoir examiné, prospecté, dessiné, photographié toutes les strates de civilisation que vous rencontrez sur votre route. N'oubliez pas que dans une recherche comme celle-ci, rien n'est insignifiant. Que le coup de pioche maladroit d'un ouvrier ou le geste furtif qui escamote une pièce précieuse peut détruire ou retarder tout ce que nous avons à apprendre des ruines que nous fouillons. L'archéologue doit donc être précautionneux et vigilant. Il doit en un mot posséder toutes les qualités, et davantage encore, celles que Napoléon estimait le plus chez ses généraux, il doit avoir de la chance. La voix de Marcel Brion, essayiste, critique littéraire et historien de l'art français en 1949 sur la radiodiffusion française. Dominique Garcia, est-ce une vision de l'archéologie que vous partagez? Alors on l'a sans doute un peu évolué, on va dire que si aujourd'hui l'archéologue a de la chance, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas toutes les qualités et donc qu'il s'entoure de collaborateurs, de collègues, de confrères qui lui permettent de pratiquer cette activité, non plus comme on l'entendait dans cette archive avec le professionnel sur le terrain entouré d'ouvriers qui risquent de casser les vestiges, mais avec une équipe qui est donc sur le terrain et on transforme en fin de compte le chantier de fouilles en laboratoire à ciel ouvert. On n'est pas l'archéologue avec à côté l'architecte, le géologue et puis ensuite une myriade d'ouvriers, mais une équipe qui essaie de retrouver, de mettre au jour les archives du sol pour ensuite en partager la connaissance. C'est peut-être le premier aspect. Aujourd'hui, l'archéologie est une activité, un sport d'équipe, si j'ose dire. Le deuxième aspect, peut-être, où on voit en 70 ans que l'archéologie a évolué, c'est que l'archéologue n'est pas forcément là pour aller chercher le bel objet, le document rare, comme Indiana Jones, ou parfois la presse nous dit « Ah, la découverte de tel objet ». On est là pour essayer de raconter une histoire, d'essayer de dérouler un récit. Et pour ça, tous les indices sont importants. Le bel objet, bien entendu, qui n'est pas rejeté pour autant, mais aussi d'autres éléments, ce que j'appelle les archives du sol, qui peuvent être des pollens, qui peuvent être des restes osseux. Plus un élément aussi qui est important, c'est la terre dans laquelle nous travaillons, qui est la matrice, et dont on essaie de comprendre couche par couche, strate par strate, ce qu'elle a à nous dire. Oui, aujourd'hui, c'est une pratique devenue pluridisciplinaire. On va parler justement de l'évolution de cette discipline tout au long de 7 ans, mais peut-être un mot, Dominique Garcia, sur l'archéologie préventive. Avant les travaux d'emménagement des années 70, on a fait des fouilles de sauvetage. Quel en était le principe ? L'INRAP, à l'époque, n'existait pas encore. Alors effectivement, après-guerre, peu de temps après l'archive que vous nous avez fait écouter, on a eu cette période des 30 glorieuses où les agglomérations se sont transformées, où on a voulu construire des autoroutes, des TGV, des zones logistiques, et on s'est aperçu que dans ces secteurs qui n'avaient pas été bouleversés, c'est assez surprenant pour les plus âgés d'entre nous, comme moi, on se souviendra que souvent la limite des villes ou de nos villages, c'était sans doute la limite des villes et des villages au Moyen-Âge. Et donc, à partir des années 60, se sont développées ces constructions, ces aménagements. Et là, on avait deux choix. Soit on aménageait et on cassait le patrimoine, soit on conservait le patrimoine archéologique qui avait été préservé pendant des centaines d'années, voire des millénaires. Et à ce moment-là, notre économie, notre développement se figeait. Et donc, le choix qui a été fait, à un moment donné, c'est de concilier ces deux actions, à la fois aménager le territoire, mais également en garder la mémoire, c'est l'archéologie préventive. Mais avant cette archéologie préventive, donc qui se veut une activité préalable à l'aménagement du territoire, il y a eu ce qu'on appelait l'archéologie de sauvetage, que j'ai pratiqué moi dans les années 70-80, où là, les archéologues intervenaient en même temps que les aménageurs. C'était une situation qui était exaltante, mais terrible. On avait les pelles mécaniques, on voyait les vestiges se détruire, et puis il y avait quelques jours, quelques heures, souvent le soir ou le week-end, pour sauver des vestiges avant que l'on construise un parking, un lotissement, etc. Alors il y a eu de belles découvertes, parce qu'il y avait beaucoup de travaux d'aménagement, mais aussi beaucoup de casses. Et puis un conflit qui était inutile entre un aménageur qui pouvait être aussi intéressé par le patrimoine et un archéologue qui pouvait être aussi intéressé par l'aménagement du territoire, mais qu'il y avait deux actions qui étaient antinomiques. Et donc, entre les années 70 et les années 90, petit à petit, a émergé l'idée de ce concept d'une archéologie préventive ou sur donc l'autorité d'un préfet et avec une prescription du ministère de la Culture, des archéologues interviennent avant les travaux d'aménagement, dès que l'on sait qu'il va y avoir un tracé d'autoroute, dès qu'on sait qu'on va construire un lotissement, les archéologues, s'il y a un intérêt archéologique, viennent là, essaient d'évaluer l'intérêt du site, et si le site est intéressant, essaient de sauver les vestiges en fouillant. Et l'originalité, c'est de mettre au jour des sites archéologiques qu'on ne pouvait pas voir également. Ben oui, c'est en fin de compte tout un patrimoine qui était caché. On a en tête tous ce qu'on pourrait qualifier le patrimoine officiel, les châteaux, les dolmens, Notre-Dame de Paris, ces sites classés monuments historiques, ces sites classés à l'UNESCO, qui constituaient notre patrimoine, qui nourrissaient le récit national, mais ils n'étaient en fait que la partie émergée de l'iceberg, dans tous les sens du terme. En dessous, sous la terre, sous nos maisons, on avait des vestiges. Dans Paris aujourd'hui, on voit Notre-Dame, mais dans les rues de Paris, sous le macadam, on a des niveaux du Moyen-Âge, on a des niveaux de la période romaine, on a des niveaux gaulois. Et donc, au gré de l'aménagement du territoire, au gré de l'aménagement des villes, on peut en savoir plus sur leur histoire. Alors ça, c'était pour le domaine urbain, mais il y a aussi tout le domaine rural. Je vous parlais tout à l'heure de les grands tracés de TGV, les grandes constructions d'autoroutes, qui ont été, en fin de compte, des grands sondages à travers toute la France, qui ont permis d'avoir une vision beaucoup plus large de notre territoire et de son histoire. Ce n'était pas qu'un seul site entouré de murs, c'était aussi ce qu'il y avait entre les sites. Et donc surgissent là des sujets patrimoniaux et scientifiques importants, parce qu'on avait en fin de compte, entre deux agglomérations, entre deux sites gaulois, entre deux sites préhistoriques, antique, on avait aussi des champs, on avait des routes, on avait des carrières, on avait des sanctuaires, et donc en fin de compte, des archives, des données qui étaient jusqu'à présent peu étudiées. Et cette archéologie préventive, qui n'a pas que des qualités, qui a aussi des faiblesses, elle a permis comme ça de compléter les différentes pièces du puzzle de l'histoire de nos territoires. Là où on avait qu'un patrimoine archéologique émergent au milieu de nos villes ou parfois isolé dans la campagne. Là, c'est tout le pays qui s'est transformé en site archéologique et qui aujourd'hui permet de nourrir les problématiques des chercheurs. Un projet qui a fait suite aux 20 ans de l'Institut, qui s'est construit un peu en même temps que ce bilan sur l'INRAP, c'est votre publication, Dominique Garcia, l'Atlas archéologique de la France, qui est paru en novembre dernier aux éditions Talendier. C'est déjà un ouvrage de référence. Les 50 000 sites archéologiques de France y sont répertoriés, ça c'est inédit. C'est une mise à plat de l'ensemble de la documentation archéologique en France. Alors voilà, tout à l'heure je vous disais que cette archéologie préventive n'avait pas que des qualités, c'est qu'en fin de compte l'archéologue démonte le site archéologique, essaie de fouiller comme ça les vestiges strate après strate, et ensuite les sites n'existent plus par définition, vu qu'on va retrouver une école, on va retrouver une route. Or, depuis 20 ans, l'INRAP chaque année fouille environ 2000 sites, donc en 20 ans, il y a 40 000 sites auxquels il faut rajouter aussi les sites fouillés par nos collègues des collectivités territoriales, des archéologues rattachés à des musées, des institutions comme le CNRS et l'université, bien entendu. Mais donc aujourd'hui, en France, on a à peu près 50 000 sites connus, bien localisés, qui ont donné des informations, mais ces sites ne sont plus visibles. Et donc, avec cet atlas, avec Marc Bouiron, avec une cartographe, Aurélie Boissière, et puis en s'entourant d'une quinzaine de collègues, on a essayé remettre en surface, de remettre au jour l'ensemble de ces vestiges de la première occupation sur le territoire national jusqu'à aujourd'hui. Et en fin de compte, cet atlas, on essaie que le lecteur lise chaque carte de ce livre, il y en a une centaine, comme une strate récemment mise au jour. Et donc, on lui dit, voilà, page après page, voilà ce que notre histoire la plus profonde peut nous apprendre, peut révéler, et chaque page est présentée presque comme une strate, et donc on restitue l'ensemble des découvertes réalisées sur le territoire national dans cet ouvrage avec une centaine de cartes, une quinzaine de chapitres thématiques et aussi des photos pour donner à voir ce patrimoine qui n'est plus visible, mais qui aujourd'hui permet de dérouler un récit, celui d'une occupation du territoire français sur le temps long. Mais alors pourquoi avoir justement fait le choix de l'atlas ? Pourquoi passer par la carte pour raconter ce que l'on trouve sous la terre ? Alors je crois que c'est quand même, on est tous fascinés par les cartes, enfin quand je dis tous, je sais pas, je n'ai pas fait un sondage, mais la carte, on a envie de s'y plonger, on a envie de s'y voir, ça nous donne des éléments de repère, tout de suite sur une carte, on cherche à savoir où on est et on cherche à savoir ce qu'il y a autour de nous, et donc ça nous a semblé important de mettre ça à plat et puis de montrer que justement tout le territoire était occupé, voire avec des limites un peu différentes. Voilà, dans cet atlas, on commence sur la plus ancienne humanité, il y a environ 1 million d'années. Et là, donc, on donne des contours de la France qui étaient tout autres, parce que la mer était à 120 mètres beaucoup plus bas. L'homme de Néandertal, à des périodes plus récentes, pouvait traverser la Manche sans se mouiller les pieds, pour plus qu'il en ait eu envie de le faire. Les glaciers descendaient à peu près jusqu'à la région de Lyon. Donc, en fin de compte, lire cet atlas et regarder carte à P4, c'est restituer un territoire qui est différent de celui qui est aujourd'hui, mais aussi de montrer que ce peuplement n'est pas limité à ces sites que j'appelais tout à l'heure les sites officiels qui sanctuarisent les données, et donc de voir qu'il y a de l'art préhistorique, pas uniquement dans la vallée de la Dordogne, mais qu'on en a aussi dans la région parisienne, on en a à Ronancourt dans la région d'Amiens, on en a en Bretagne, et donc montrer que cet art préhistorique qui aujourd'hui conservé uniquement dans les grottes, on a le cas de Cosquer, de Chauvet, des grottes, j'évoquais tout à l'heure les grottes de la vallée de la Vézère en Dordogne. Or, les hommes préhistoriques faisaient de l'art partout ou quasiment partout, et aujourd'hui cette archéologie a permis de le révéler, donc on le met à plat. Et on fait comme ça de manière pédagogique, pour chaque période, on essaie comme ça de mettre en avant les dossiers qui nous paraissaient les plus importants dans le domaine de l'habitat, de la religion, de l'économie, mettre une carte, mettre à plat, documenter et puis donner quelques, mettre en avant quelques questions et parfois apporter quelques réponses. Pour la partie néolithique que vous avez coordonnée, vous avez abordé des thématiques un peu originales qui ne sont pas traitées habituellement, on y reviendra. Mais d'où vous vient votre goût pour l'archéologie? Quelles sont les époques qui vous passionnent en particulier? Restez à l'écoute, on y vient dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Dominique Garcia. Nous parlons de patrimoine archéologique. Nous venons de parler des missions de l'INRA. Ces missions qui sont de concilier deux actions, l'aménagement du territoire et l'enrichissement des connaissances dans l'histoire de l'humanité. On vient de voir qu'il s'agit d'un bien commun et d'une ressource non renouvelable. Mais avant ça, avant de prolonger sur ces questions d'archéologie préventive, un mot sur votre parcours, Dominique Garcia. Vous êtes né le 3 juin 1962 à Clermont-l'Hérault, à quelques kilomètres du très beau lac du Salagou, au pied du Larzac. Enfant, vous vous intéressiez déjà à l'archéologie ? Oui, moi voilà, je suis, enfin c'est pas très original, hein, je suis un enfant de languedocien qui a été intéressé peut-être avant par la géographie plus que par l'histoire. Voilà, tout, voilà, jeune, j'essayais de voir ce qu'il y avait autour de moi, de me situer dans l'espace. Et puis, grâce à l'éducation populaire, le milieu associatif qui existait dans mon village, à Clermont-Hérault, grâce aussi à l'école publique, avec ses valeurs et son effet d'entraînement, j'ai essayé petit à petit de vivre dans l'endroit où j'étais né, ce qui était rien de très original, mais aussi d'en connaître la dynamique, l'histoire, de retrouver des repères qui étaient des repères géographiques, mais aussi des repères historiques, et avec un enseignant, professeur de lettres classiques, qui avait créé une association. Il nous a menés sur le terrain pour fouiller une villa romaine, étudier un château fort ou une église. Et donc, en fin de compte, on était sur notre territoire, sur notre terroir, mais lui essayait de nous entraîner dans les strates les plus anciennes de ce terroir pour nous dire qu'il y avait eu d'autres population avant nous, des Gaulois, des Romains, des Grecs qui étaient arrivés par le port voisin d'Agde. Et donc, ils nous faisaient voyager en restant sur place et en nous montrant que cette région avait été, comme toutes les régions, une région de migration, de passage. Donc, ça nous semblait, voilà, pour nous, une manière un peu de rattacher notre propre histoire à celle d'une histoire beaucoup plus large. Et puis donc, en grandissant, eh ben on élargit un petit peu son horizon, on voit un peu plus loin, on fait des études. Moi, j'ai continué à faire de l'archéologie, c'était ma passion, hein. J'en faisais donc le week-end, les vacances avec cet enseignant. Et ensuite, on l'évoquait tout à l'heure, cette archéologie de sauvetage qui démarre dans les années 70-80, nous a entraîné, nous, amateurs d'archéologie, à dire, voilà, on étudie l'endroit où on habite, mais juste à côté, on construit un lotissement à Agde et il y a une nécropole grecque qui est en train d'être détruite. Et bon, on va y aller pour essayer d'en sauver le maximum. Et donc, comme ça, petit à petit, notre horizon s'est élargi et on s'est petit à petit spécialisé. On est allé voir ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de fouiller avec l'école française de Rome en Italie pendant de nombreuses années, de fouiller avec mon maître, avec mon professeur à l'université, de fouiller dans les Cyclades à Délos, et donc de voir un monde un peu plus large, un peu plus précis, mais chaque fois en essayant d'établir des liens entre la géographie et les hommes, et ne pas uniquement m'attarder aux objets archéologiques que je trouvais. J'essayais de savoir d'où ils venaient, qui les avait amenés, et en quoi ces objets, dans cet endroit-là, avaient influencé les populations qui étaient sur place. On en revient à l'espace géographique, on en revient à la carte au territoire de votre atlas. Dominique Garcia, vous évoquez en effet ces premières fouilles en Italie, puis en Syrie. Vous n'êtes pas seulement historien, vous êtes un vrai archéologue de terrain. Qu'est-ce qu'on ressent sur un chantier de fouilles? Est-ce qu'il y a une émotion particulière? Ah oui, elle y est, l'émotion. Déjà, vous arrivez enfin sur un chantier, soit vous allez sur un chantier qui est connu, qui est exploité depuis longtemps. Voilà, moi, je citais l'exemple de Delos tout à l'heure. Mon maître, mon professeur à l'université était un spécialiste de Delos. Et donc, voilà, dans tous ses cours de la première année jusqu'à la fin de la licence, on avait droit à Delos en long, en large et en travers, ce qui est merveilleux. Et donc, la première fois que je suis allé à Delos, j'avais l'impression de tout connaître de ce qu'il y avait en surface. Et en revanche, attiré, bien entendu, par ce qu'il y avait en dessous, en disant comment toi, tu vas pouvoir sortir quelques objets, quelques documents, pour essayer comme ça d'écrire quelques lignes supplémentaires de l'histoire de ce site. Et donc, la démarche de l'archéologue, elle est là. Elle est souvent relativement humble. Moi, je la perçois presque comme naturelle. On est sur un site, on marche sur le sol, et puis on se dit, tiens, je vais essayer de gratter, de fouiller, de lire ce sol pour essayer d'avoir une information supplémentaire. Compléter la documentation, d'où cette notion d'archive du sol. Tout n'est pas écrit, tout n'est pas dans les livres, ni dans les livres de nos maîtres, ni dans les écrits anciens. Il y a des archives encore inédites, et nous, archéologues, on peut essayer d'en faire surgir et de compléter ainsi l'information. Alors souvent, l'archéologue est attaché à un monument. Vous avez plutôt travaillé sur l'archéologie des paysages, pour montrer comment les hommes façonnent les paysages, montrer que ce ne sont pas des éléments immuables, mais bien des constructions. Votre période favorite, Dominique Garcia, c'est ce qu'on appelle la proto-histoire. Quelle est cette période, et puis aussi, pourquoi ce choix ? Alors le choix, il est peut-être lié à la sensibilité qu'on a. Voilà, les spécialistes en archéologie c'est sans doute peut-être ce qui révèle le plus leur psychologie. Donc pour la proto-histoire, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce va-et-vient. La proto-histoire, c'est la phase de transition entre l'après-histoire, où on le sait tous, il n'y a pas de texte, donc l'archéologie dit tout, et la période historique où il y a beaucoup de textes. Et la proto-histoire, c'est la période où on étudie les populations qui ne possèdent pas l'écriture, mais qui sont contemporaines de populations qui, elles, possèdent l'écriture et ont écrit sur ces populations. Pour faire bref, c'est la période de contact, de colonisation. Et si on prend le territoire de la France actuelle, de la Gaule, c'est le moment où des Grecs, puis des Romains, viennent sur ce territoire-là, l'évoquent, en parlent. Et en revanche, les populations locales, elles restent muettes. Elles n'écrivent pas, elles ne possèdent pas l'écriture, elles n'écrivent pas. Donc l'archéologie est là pour redonner la parole à ces populations qui n'ont pas l'écriture et essaie de confronter l'archéologue, essaie de confronter ses archives du sol, ceux qui trouvent sur les sites, à ce que nous en disent les textes. Et c'est un travail qui est fascinant. Ça oblige à la fois à se mettre du côté du vaincu, de la population locale, de l'indigène, du celte, du gaulois, mais également de respecter la documentation et la vision du conquérant, du grec et du romain, et puis de dire, tiens, l'histoire n'est pas un entre-deux, c'est des choses qui sont mêlées. Et de voir aussi comment ces populations, les Étrusques, les Grecs, les Romains, ont pu influencer les populations locales. Et donc, ça nous permet aussi de montrer qu'une culture n'est pas quelque chose de figé, qu'effectivement, elle évolue à travers le temps, que cette évolution et cette construction de ces cultures, elle est liée à des associations, elle est liée à du commerce, elle est liée à du conflit. Et donc la proto-histoire, pour moi, voilà, c'est une manière un petit peu de voir comment les sociétés se construisent, comment elles évoluent, comment parfois elles se confrontent. Oui, dans votre ouvrage « Les Gaulois à l'œil nu », paru en mai 2021 aux éditions du CNRS, vous avez voulu montrer que les Gaulois n'avaient pas toujours existé. Alors oui, c'était, alors, il y avait les Gaulois sont, nous collent un petit peu comme ça, au doigt, comme le sparadrap, pour le capitaine Haddock. C'est-à-dire que, en permanence, dès qu'on parle d'archéologie, on fait référence aux Gaulois, qu'on a tous en tête, grâce au roman national, grâce à Astérix. Or, ces Gaulois nous sont connus essentiellement par un texte, qui est la guerre des Gaules, c'est-à-dire, en fin de compte, un compte rendu une série de comptes rendus militaires du général romain qui vient envahir le pays. Alors il y a comme ça un petit élément paradoxal. Lui, il a envahi un espace dont on sait aujourd'hui qu'il a lui-même défini les frontières. En bon militaire, il a donné les limites de son champ de bataille. Et mettons quelque chose d'extrêmement fort, c'est César qui place la limite de la Gaule sur le Rhin. L'archéologie montre qu'avant, il n'y avait pas de limite et qu'il n'y avait pas plus ou moins de Gaulois de part et d'autre du Rhin. Mais lui définit la Gaule en s'appuyant sur cette frontière. Christian Goudineau, d'Aguerre, a bien étudié ce phénomène-là. Et donc, il dessine son plan de bataille et ensuite, il intervient. Et bien entendu, quand il décrit ces Gaulois, il les décrit comme des populations barbares, des populations guerrières, parce qu'il est là pour les combattre, et il est là pour coloniser, pour conquérir cet espace. Et donc moi, voilà, j'essaie de dire, ces Gaulois, bah, c'est pas uniquement ceux qui se frottent à César, ceux qui sont décrits pendant le conflit, c'est à la fois un peuple qui est beaucoup plus ancien, on a des traces de cette civilisation au moins depuis 7 siècles avant que César intervienne, mais inversement que ces Gaulois n'avaient pas toujours existé, qu'ils étaient eux-mêmes une construction et probablement donc des populations d'agriculteurs et d'éleveurs influencés par la culture grecque, influencés par le commerce méditerranéen et qui donc s'étaient construits une propre identité, était rentré d'ailleurs dans une activité commerciale et d'échange avec le monde grec, puis avec le monde romain, jusqu'à un moment donné où les conflits commencent à naître et où on rentre dans une période de colonisation. Donc voilà, étudier un peuple, c'est montrer que ce peuple n'a pas toujours existé, que les peuples sont des constructions et que ces constructions sont liées à ces relations économiques, à ces relations commerciales et à ces interventions militaires. Vous évoquiez le roman national et vous nous avez d'ailleurs recommandé un extrait d'un discours, celui de François Mitterrand, lors de sa visite sur le site de Bibracte au Mont-Beuvray en Saône-et-Loire, là où Vercingétorix avait été proclamé chef suprême des armées gauloises. On l'écoute, c'était en 1985. Bibracte fait partie de notre passé, très bien. Elle n'est pas tout notre passé, c'est vrai. Les Gaulois font partie de nos ancêtres, c'est entendu. Nous en avons bien d'autres, nul n'en doute. Eh bien, voyons ce qui nous rapproche, connaissons ce qui nous différencie, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est cette réflexion qui me vient surtout à l'esprit au moment où j'érige avec vous Bibracte en tant que site national au lieu de l'histoire de France. C'est aussi une invitation à regarder cet horizon et bien au-delà de ses limites. Croyez-moi, il n'y a pas de simplification réductrice de la cohérence profonde d'un pays comme le nôtre. Ce que nous devons chercher pour l'essentiel, ce sont les chemins de la cohésion nationale. Tel est le sens profond de la République elle-même. Tel est, du moins je le crois de toutes mes forces, telle est la vocation de la France. Merci. Voilà, le discours de François Mitterrand en septembre 1985. Dominique Garcia, quelle est la dimension politique de l'archéologie aujourd'hui ? Alors, l'archéologie, pendant longtemps, elle a servi à renforcer l'identité des nations et à justifier la présence d'un État, d'un pouvoir dans un secteur. Voilà, on parle effectivement des Germains, on parle des Gaulois. On a souvent construit notre histoire nationale, le roman national, en le faisant débuter aux Gaulois et en se sentant héritier depuis la Révolution française de ces Gaulois. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'appuie sur le passé pour justifier le présent, ses frontières, son identité, ses cultures. Ce process-là, qui est en partie lié à celui de la construction des États-nations, a peut-être été mis à mal à partir de la construction européenne, où on s'est dit non, effectivement, les limites de la France ne sont pas précisément les limites de la Gaule, et puis aujourd'hui, on peut bâtir d'autres limites, on peut construire d'autres espaces, et notamment l'espace européen. Donc les choses ont bougé, c'est pour ça que effectivement le discours de François Mitterrand prononcé le 17 septembre 85 lors de l'inauguration de ce site de Bibracte qui se trouve dans le Morvan me semble avoir beaucoup de sens. Il avait été inspiré sinon écrit par Christian Goudineau qui était professeur au Collège de France, professeur d'Antiquité nationale, très attaché au site de Bibracte, à l'archéologie nationale, et qui conseillait le président Mitterrand. Et on voit dans l'extrait que vous avez passé que Mitterrand présentait le site de Bibracte comme un repère, comme un élément essentiel à la connaissance du pays, mais que, bien entendu, il ne voulait pas en faire le seul repère de l'histoire de France. Il dit bien que les Gaulois sont nos ancêtres, mais ils ne sont pas les seuls, et il montre du haut du Morvan de ce de Bibracte auquel il était attaché, qu'il y a une histoire singulière liée à ces populations gauloises, mais qu'il faut dépasser les frontières pour relier ce qui passe autour. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a réussi en mandatant Christian Goudineau sur le site de Bibracte, qui est devenu un site européen, qui chaque année encore accueille des chercheurs de tous les pays, pour fouiller ce site gaulois et en fin de compte échanger sur les techniques et sur la société celtique. Et vous rappelez d'ailleurs l'importance de ne pas oublier que les grandes vagues migratoires ne sont pas le propre de notre époque dans votre ouvrage intitulé « Archéologie des migrations » paru en 2017, Dominique Garcia. Oui, dès ces périodes-là, avec Hervé Le Braz, et donc l'INRAP avait organisé un colloque au musée de la Porte Dorée sur l'archéologie des migrations pour montrer que le propre de l'homme est effectivement de bouger. Encore vous, récemment, vous avez invité le professeur Hublin pour évoquer le cas du peuplement de l'Europe, et donc on le montre également dans notre atlas, l'homme n'est pas originaire de l'Europe, il vient d'Afrique. Le peuplement de l'Europe s'est fait en différentes vagues, parfois d'ailleurs avec une opposition avec certaines formes humaines donc antérieures à Sapiens, dont nous sommes nous aujourd'hui la lignée, nous sommes dans sa lignée. Donc les peuplements étaient comme ça constitués de vagues successives plus ou moins forte, plus ou moins violente, plus ou moins productrice d'art et de culture, et que donc à ces premiers peuplements venant d'Afrique au paléolithique étaient venus d'autres traces et vagues de peuplement au néolithique avec les agriculteurs venus du Proche-Orient, qu'ensuite il y avait eu des vagues de colonisation du monde punique, du monde étrusque, du monde grec et du monde romain, et ensuite tout cela jusqu'à des périodes récentes. Donc notre peuplement, le peuplement de notre pays est fait de strates successives, et donc l'archéologie des migrations est tout simplement l'archéologie. Lorsqu'on fait de l'archéologie, on ne cherche pas des racines, on cherche les traces de ces différentes cultures et ce qu'ensemble elles ont su produire les cultures suivantes. Bien justement, quelles sont les grandes découvertes au cours des dernières décennies faites grâce à l'archéologie préventive et quelles sont celles à venir ? Restez à l'écoute, on vous raconte tout dans quelques instants. Thank you. The Archaeologist de Peter Van Paul sur France Culture, car nous nous entretenons tout au long de cette heure avec l'un des plus grands archéologues français, Dominique Garcia, archéologue et historien, président de l'INRAP et professeur à l'université d'Aix-Marseille. Nous venons de parler de votre parcours, de la dimension politique de l'archéologie aujourd'hui. Ça fait 10 ans que vous êtes à la tête de l'INRAP avec Dominique Garcia, ça se fête. Quelles sont, à vos yeux, les fouilles qui nous ont fait avancer? Quelles sont les grandes découvertes sur notre passé mises au jour grâce à l'archéologie préventive? Alors, les découvertes sont nombreuses. Je parlais tout à l'heure de 2000 diagnostics par an, d'environ 300 grandes fouilles qui permettent d'en savoir plus pour chaque période. Et puis, je pointais aussi le fait que, pour moi, voilà, chaque fouille, c'est une sorte de pixel et petit à petit, l'image devient plus précise. L'image de notre histoire, l'image des peuplements anciens, grâce justement à chacune de ces fouilles. Mais il est évident que de temps en temps, des découvertes surgissent. Alors on peut évoquer pour l'INRAP peut-être, on parlait tout à l'heure des Gaulois, leur origine, donc ils sont très liés à une population qu'on appelait les Celtes, et sans doute une des plus belles découvertes qu'on ait réalisées ces 12 dernières années à l'INRAP, c'est la fouille de la tombe du prince de Lavaux. Lavaux, c'est une toute petite commune à côté de Troyes. Et donc, sur cette commune, on a aménagé une zone commerciale et mes archéologues de l'INRAP de cette région ont découvert une grande sépulture. Alors, quand je dis grande, c'est un complexe funéraire qui fait 4 hectares. Et au centre de cet espace de 4 hectares, il y avait la tombe d'un prince celte enterré là dans son char, avec les roues avaient été démontées, placées dans le caveau. Lui-même, autour du cou, il portait un torque-canor. On est dans les années 480 avant Jésus-Christ. Dans l'angle du caveau, il y avait un grand récipient en bronze, probablement fabriqué dans le monde grec ou dans le monde étrusque, qui était rempli de vin rouge de la Méditerranée. On a pu faire des analyses et montrer qu'il s'agissait du vin rouge méditerranéen. Et autour de lui, on retrouvait comme ça tout un service à boire. Donc on avait là une élite princière celtique du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont l'ensemble des effets personnels, mais aussi des offrandes, avaient été déposées dans cette tombe, et qui nous montre que cette région de Troyes, en Champagne, une région voisine, celle sans doute du Châtillonnais en Bourgogne, était un espace particulier dans l'espace euro-méditerranéen. On avait là probablement des États émergents qui permettaient de lier l'activité commerciale méditerranéenne vers l'Europe du Nord. Ils utilisaient, c'était des populations qui faisaient le lien entre le Nord et le Sud. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, mais aussi pour bien illustrer ce propos, la ville de Troyes aujourd'hui tire son nom d'une population gauloise qui s'appelait les Tricasses. Et pendant longtemps, on s'est demandé pourquoi cette population s'appelait Tricasses. Aujourd'hui, on arrive un peu mieux à comprendre. En celte, on arrive à lire Tricasses, tri. qui veut dire qui fait traverser. Casse, c'est la cassitérite, l'étain. Et donc, ces populations gauloises implantées dans la région Troyes, les Tricasses, étaient la population qui faisait transiter l'étain qui venait de l'ouest et du nord de l'Europe vers la Méditerranée. Or, l'étain était littéralement le nerf de la guerre. C'est grâce à l'étain qu'on peut fabriquer du bronze en le mélangeant avec le cuivre. Et donc, grâce à cet étain qui transitait par cette région, on pouvait fabriquer des armes, des outils, de la sculpture. Les beaux objets que l'on voit dans les musées grecs ou étrusques étaient des objets en bronze, dont de l'étain qui venait de cette partie ou qui avait transité vers cette région. Voilà, ça fait partie des belles découvertes. Peut-être parce qu'on y travaille actuellement, aussi évoquer les découvertes qui sont réalisées à ce moment même dans Notre-Dame de Paris. Puisque donc, suite au drame de Notre-Dame, les archéologues se sont mobilisés pour à la fois sauver les vestiges qui pouvaient être sauvés, suite à la destruction d'une partie de la cathédrale, sauver les vestiges liés à la reconstruction de la cathédrale, mais également nourrir le cahier de charge des restaurateurs pour que la cathédrale puisse être construite à l'identique grâce aux informations recueillies par l'archéologie. Oui, puis avec la découverte aussi des sarcophages de Notre-Dame. Voilà, avec bien entendu la croisée du transept, une série de sarcophages qui ont été découverts et qui sont actuellement étudiés à l'Université de Toulouse et qui permettront d'en savoir plus sur les populations qui avaient bénéficié de cette inhumation privilégiée. Alors, la flèche de Notre-Dame qui pointe le bout de son nez d'ailleurs depuis ce lundi 12 février puisque le démontage de l'échafaudage a débuté cette semaine. Dominique Garcia, donc dans toute la France, nous menons à peu près 2000 chantiers. Que reste-t-il à défricher? Vous dites qu'il y a des zones blanches dans l'étude de nos sociétés. Quelles sont-elles? Alors, les défis pour demain, c'est déjà continuer à suivre l'aménagement du territoire, parce qu'il y a encore des espaces, des pièces du puzzle à recueillir. Ensuite, il y a effectivement partager les informations, ce big data patrimonial et scientifique, il faut arriver aujourd'hui à le partager, à répondre aux problématiques des chercheurs. Et puis, il y a ces zones blanches que vous évoquiez, qui sont des zones aujourd'hui où le patrimoine est détruit du fait du dérèglement climatique. En bordure du littoral, lorsqu'il y a des tempêtes, le long des fleuves, lorsqu'il y a des crues importantes, dans les zones où les glaciers fondent et libèrent des vestiges archéologiques. Et donc, il me semble important aujourd'hui également de se pencher dans ces secteurs, à la fois pour mieux documenter ces sites singuliers, en bordure des littoraux, dans les vallées, sur les montagnes, mais également pour mieux documenter l'évolution du climat sur la longue durée, parce que la fouille de ces sites nous permet, grâce au pollen notamment, de reconnaître les éléments de végétation et donc de rétablir une histoire longue de ces paysages. Et puis, troisième point également, pour essayer de montrer les risques liés au réchauffement climatique, liés aux crues, liés à l'occupation de certains secteurs. Et donc, l'archéologie, comme ça, peut s'inscrire dans l'avenir en documentant ces sites fragiles qui peuvent être détruits du fait du dérèglement climatique. Et puis, on peut aussi citer les Antilles, les cimetières d'esclaves implantés sur le littoral qui sont menacés par l'érosion marine. En Guadeloupe également, sur le site de Saint-François. Et vous dites, Dominique Garcia, qu'on a également besoin d'une archéologie de notre passé colonial. Oui, bien entendu. Tous ces espaces, voilà, quand j'évoquais la France, j'évoquais la métropole et bien entendu les Outre-mer, et on fait une archéologie aujourd'hui de qualité dans les Antilles, en Guyane, à La Réunion et même à Mayotte, où on est intervenu récemment et où on a pu étudier la mosquée de Tsingoni. Il me semble important de restituer l'histoire à tous, et donc bien entendu dans les Outre-mer, c'est une action que l'INRAP porte haut sous le contrôle du ministère de la Culture, pour que l'histoire ne soit pas uniquement l'histoire métropolitaine, mais bien celle de l'ensemble des territoires. Vous avez publié une tribune mardi dans le journal Le Monde, où justement vous dénoncez comment le dérèglement climatique détruit des environnements côtiers, fluviaux, montagnards, avant qu'on ait pu faire justement des fouilles, comme vous dites. Dans votre tribune, vous plaidez pour une dotation financière spécifique pour faire l'expertise de ces sites en danger. À ce propos, nous avons la réaction d'un de vos collaborateurs. Bonjour Dominique, et bravo pour ce bel atlas archéologique qui certainement fera date pour un certain temps. Et bravo pour ta tribune dans le journal Le Monde à propos des problèmes de l'archéologie liés aux destructions, pas seulement humaines, mais désormais naturelles liées au changement climatique. C'est effectivement notre capacité à nous archéologues de parler de l'archéologie dans les médias qui fait que nous pouvons défendre l'archéologie. L'archéologie, c'est bien chez les autres, mais l'archéologie métropolitaine, c'est souvent beaucoup plus mal vu des décideurs. Et c'est quelque chose qui n'est jamais gagné, comme tu évoques la taxe sur l'aménagement reversée à l'INRAP pour les fouilles préventives, taxe dont Bercy garde 25%. Pour lui, Bercy qui n'a jamais aimé l'archéologie métropolitaine et ne l'aimera jamais, les 25% qui effectivement seraient bien utiles pour préserver les sites. site attaqué à la fois par le réchauffement climatique, la remontée de la mer, etc., etc. Voilà, bonne continuation, à bientôt. Ouais, c'est le jeu de l'invité mystère, Dominique Garcia, je pense que vous avez deviné le collaborateur en question. Alors, c'est pas un collaborateur, c'est un collègue, Jean-Paul Deboucle, qui est professeur émérite à la Sorbonne et qui, effectivement, a bien résumé la situation. Aujourd'hui, voilà, on est tous héritiers de ce patrimoine, celui qui est mis en danger par l'aménagement du territoire, mais aussi celui qui est mis en danger par le dérèglement climatique, dont on est tous plus ou moins un peu responsables, et dont je crois aujourd'hui qu'il est important effectivement qu'on puisse l'étudier pour partager la connaissance, mais aussi pour prévenir. Voilà, étudier les crues, étudier la manière dont les populations anciennes ont su s'en protéger, est quelque chose aujourd'hui qui peut nous documenter. Et en plus, nous renseigner de manière paisible. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans le choc justement de la destruction, de la catastrophe. Voilà, moi je prône une archéologie comme étant une productrice de modèles. On a des situations anciennes que l'on documente, que l'on décrit proprement, dont on partage la connaissance et dont on peut peut-être s'inspirer. Mais justement, plus précisément, comment l'archéologie peut-elle contribuer à un avenir durable, pour reprendre les mots de votre tribune ? Alors, si on prend le cas des crues, aujourd'hui, voilà, on parlait tout à l'heure de l'homme qui, par nature, était migrant, mais aujourd'hui, la situation est bien plus importante. Les gens voyagent, construisent, aménagent. Et donc, on voit dans les cas récents de construction dans des zones inondables que les populations qui se sont implantées là ont perdu la mémoire, on ne connaissait plus l'histoire du secteur. Et donc, fouiller dans certains secteurs, c'est montrer que pendant longtemps, les gens n'ont pas aménagé leur maison dans le cours majeur d'un fleuve, ou s'ils le faisaient, ils mettaient en place certaines précautions. Que dans le cas, et on le voit bien, nous, quand on étudie les macro-restes végétaux, on faisait attention aux espèces qui étaient implantées, aux activités agricoles qui étaient mises en place. Donc c'est peut-être utiliser l'archéologie pour mieux décrire les terroirs, pour mieux décrire les territoires et en faire, comme je disais tout à l'heure, des modèles qui peuvent inspirer les modes de développement actuels. C'est la même chose pour les techniques de construction. On parle aujourd'hui d'un renouveau de l'architecture en terre dont on connaît les qualités thermiques dans les périodes anciennes, qui est une des techniques relativement solides, et donc là aussi, grâce à l'archéologie, on pourrait documenter ces éléments-là. C'est-à-dire une archéologie qui renseigne sur le passé, mais qui aussi nourrit notre histoire et peut éventuellement nous aider à franchir le cap. Oui, c'est une archéologie qui a bien les pieds dans le présent et qui est consciente donc des défis contemporains. Et d'ailleurs, sur ces questions-là, un mot également sur l'artificialisation, parce que chaque année, la France perd 20 000 à 30 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers sous la pression des activités humaines. Étalement des villes, développement d'infrastructures, bétonisation. L'artificialisation des terres, c'est l'une des causes de la perte de la biodiversité. Est-ce que c'est aussi une des causes de perte définitive de vestiges archéologiques ? Alors, bien entendu, l'archéologie, les vestiges archéologiques sont une ressource qui n'est pas renouvelable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je parlais tout à l'heure d'approche sereine concernant ces phénomènes-là. On peut aussi inverser un petit peu le paradigme concernant ces notions d'artificialisation. On entendait le président Mitterrand lors de l'inauguration du site de Bibracte. Bibracte était une très grande ville sur le sommet du Mont Beuvray. Là, aujourd'hui, on se trouve une forêt. Donc, en fin de compte, là aussi, ça peut nous interroger. La ville est une invention relativement récente. C'est pas forcément quelque chose qui va durer pendant des centaines ou des millénaires d'années. Et en plus, dans les forêts actuelles, on peut en dessous avoir des villes. Et demain, les choses peuvent être inversées. Donc, l'artificialisation montre aussi parfois que sous des espaces qu'on appelle aujourd'hui naturels, bah en fin de compte, ce sont des espaces qui ont déjà été construits, qui ont déjà été aménagés. On arrive vers la fin de cette émission. Enfin, on a encore quelques minutes ensemble, Dominique Garcia. Mais une question, puisque voilà, vous êtes depuis 10 ans à la tête de l'INRAP. Votre mandat a été reconduit. Quels sont vos espoirs pour l'archéologie de demain? Alors voilà, moi je pense que cette archéologie aujourd'hui a montré tout le sens de sa démarche. Elle est respectueuse des aménageurs, elle est respectueuse des décideurs. C'est une archéologie qui nourrit d'une connaissance extrêmement proche des gens. Voilà, je parlais tout à l'heure des 2000 sites que fouille l'INRAP chaque année. On fouille partout en France. Là où il y a des ronds-points, là où il y a des parcs logistiques, et donc il y a des chercheurs qui se déplacent en milieu rural, en milieu périurbain, dans des zones de banlieue, dans des friches, etc. Et donc on redonne du sens à ces espaces, on documente ces espaces-là, et voilà, il y a des endroits en France où il n'y a pas de théâtre, il y a des endroits en France où il n'y a pas de cinéma, mais partout en France, il peut y avoir une équipe d'archéologues qui redonne, qui éclaire le passé de ces secteurs. Donc je trouve que c'est une archéologie citoyenne, qui documente les phénomènes de migration, de climat, d'alimentation. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on fait notre travail d'historien. On écrit une histoire ancienne, mais on est aussi des archéologues qui posons des questions par rapport à l'avenir. Et c'est des éléments qui, je pense, peuvent être entendables et partagés par tous. L'archéologie est une discipline qui est simple. Voilà, quand on trouve des murs, quand on trouve des tombes, quand on trouve des objets, tout le monde est capable de les lire. Et c'est une pratique, une activité pour laquelle l'échange peut être facile, peut être direct. Il y a l'émotion, mais il y a aussi des questionnements sur les populations anciennes. Alors j'imagine l'émotion que ça a dû être de découvrir ces deux sarcophages à Notre-Dame. Est-ce que Dominique Garcia, vous avez, je sais pas, des rêves fous pour l'archéologie à l'avenir ? Ah oui, enfin, je crois que c'est chaque découverte nous entraîne à imaginer bien plus encore. Alors moi, un des chocs sans doute les plus importants que j'ai eu ces dernières années, c'est quand l'INRAP a fouillé sous le pas de tir d'Ariane en Guyane. Et donc voilà, je me suis rendu sur le site et un endroit où on mettait en place un pas de tir pour explorer l'espace, les archéologues ont retrouvé des vestiges de la période amérindienne. Et donc, en même temps qu'on essayait de bâtir un pas de tir pour explorer l'univers, nous, on en savait plus sur les populations anciennes dans ce secteur-là. Et on a d'ailleurs réalisé une exposition dans laquelle on présentait à Kourou ces vestiges. Et donc, c'était à la fois voilà, beaucoup d'émotions dans ces vestiges inédits. Et puis l'ambition de faire une archéologie bien en phase avec le présent, bien en lien avec les problématiques. Donc voilà, des lieux comme ça où on se dit « tiens, il n'y a rien aujourd'hui, tiens, on ne sait peu de choses, et puis voilà. » Et nous ne sommes pas... ou le bulldozer, on peut en écrire plus. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Merci infiniment pour cet entretien, Dominique Garcia. Il est temps de retrouver la chronique avec science. Aujourd'hui, Alexandra Delbo nous raconte une nouvelle méthode de suivi de l'ADN environnemental grâce aux toiles d'araignée. Comment sonder la biodiversité environnante? C'est un enjeu crucial, actuel et passé, déterminer qui est dans les parages. Dans le passé, ce qui nous intéresse, c'est de recréer entièrement des paysages, dévoiler quelles espèces de végétaux bordaient une rivière ou venaient s'abreuver un mammouth il y a plusieurs millions d'années, par exemple. Ce sont des paléo-environnements. Et dans le présent, cette fois, estimer quelles espèces se côtoient est essentiel dans un contexte de 6e extinction de masse. Les espèces disparaissent à vitesse grand V et nous manquons de moyens pour le quantifier. Parce que mener un inventaire en référençant chaque espèce à la main est long et fastidieux. Cela demande plusieurs jours entiers pour un seul espace et ne sera jamais totalement exhaustif. Donc l'idée, c'est de gagner du temps. Et ces dernières années, une méthode se développe pour scanner rapidement l'état de la biodiversité à un instant T. C'est l'ADN environnemental, des fragments de génome que n'importe quel être vivant laisse sur son passage. Par exemple, autour de votre chaise, sur la table devant vous, il y a des traces de votre ADN. Et les biologistes agissent un petit peu comme des enquêteurs chercheurs, ils recherchent dans l'environnement les empreintes moléculaires de chacune des espèces. Jérôme Murienne est chercheur CNRS au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement à Toulouse. Alors, faut imaginer que l'ADN, il va se retrouver dans énormément de matrices. Donc, ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être le sol. Donc, la première chose que nous, on va faire en tant que scientifique, c'est d'aller effectuer des prélèvements sur ces différentes matrices. Donc, ça peut être des prélèvements de sol ou des prélèvements d'eau, par exemple. Ensuite, on va extraire cet ADN de retour au laboratoire et on va venir séquencer, c'est-à-dire lire certains fragments de cet ADN qu'on appelle les codes-barres, qui vont en fait être des fragments qui sont spécifiques de chacune des espèces. Un peu de la même manière que la police scientifique utilise des fragments qui sont spécifiques des individus pour identifier les individus, nous, on va utiliser des fragments qui sont spécifiques des espèces et donc qui nous permettent d'établir en fait une liste des espèces qui sont présentes dans un environnement donné. Maintenant que l'on arrive à récolter des quantités de données, à les manipuler et à les analyser, la limite de l'ADN environnemental n'est plus tellement technique. On peut le faire et on sait le faire. La question est plutôt jusqu'à quel point? Quelle est l'efficacité de chaque méthode? Est-ce que telle façon de prélever l'ADN environnemental va nous permettre de dresser un bon portrait robot de la biodiversité présente? C'est pourquoi cette nouvelle étude parue dans iScience propose une méthode un petit peu innovante, aller pêcher l'ADN environnemental grâce aux toiles d'araignée. Les fragments d'ADN flottant dans l'air comme dans un filet. Et ce n'est pas tout à fait la première fois que les scientifiques en font l'usage. D'abord pour identifier l'ADN des proies de ces araignées. L'année dernière, une autre étude a montré que l'on était capable de détecter un panel d'espèces. Mais la particularité de celle-ci, c'est d'avoir voulu tester l'efficacité de la méthode. Et pour cela, les auteurs ont comparé des échantillons de toiles d'araignées à deux endroits distincts, en Australie, dans un zoo ou dans une forêt, deux zones où l'on connaît les espèces qui y habitent. Résultat, ça marche. Ces toiles d'araignée capturent fidèlement la biodiversité environnante. Ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'effectivement, il y avait des grandes différences dans l'ADN qui était détecté et dans la liste d'espèces qui étaient fournies en fonction de l'origine des toiles d'araignée. Les toiles d'araignée qui étaient présentes en forêt avaient des compositions différentes des toiles d'araignée qui étaient présentes dans le zoo et que les espèces exotiques étaient uniquement trouvées sur les toiles d'araignée qui étaient présentes dans le zoo. Donc, en gros, ce qu'ils ont pu démontrer, c'est que les toiles d'araignée étaient efficaces pour piéger un ADN qui était local et montrer des différences en termes de communauté. Ça signifie que depuis de nombreuses années, on sait que sur les matrices sol et eau, on a des approches qui sont tout à fait utilisables et fonctionnelles. Et plus récemment, on s'est vraiment intéressé sur la question de la disponibilité de l'ADN dans l'air. Et cette étude, ce qu'elle vient démontrer, c'est que l'ADN de l'air, qui ici sur cette étude se fait emprisonner sur des toiles d'araignée, est tout à fait utilisable pour déterminer des communautés d'espèces. Il s'agit donc d'une preuve de concept. Les toiles d'araignée peuvent servir à capter de l'ADN environnemental de manière efficace à partir de l'air. Et cela ouvre à deux perspectives. Utiliser directement ces toiles d'araignée lorsqu'elles sont dans les parages, mais plus largement, c'est une première étape vers le développement de filtres, passifs ou actifs, pour suivre la biodiversité et surtout son évolution au cours du temps. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lezen. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.